Chapitre 12, page 97. Exercice 4. 1. Oh là là, le patron était furieux du travail de Jean-François. Il lui a fait de très durs reproches. 2. Marie-France a dit à son nouveau directeur qu'il était absolument exceptionnel. À la fois compétent, sympathique et efficace, et que c'était un honneur de travailler avec lui. 3. C'est affreux! On a parlé de Solange en disant qu'elle trompait son mari, qu'elle n'était pas honnête, qu'elle avait volé la société, et tout cela était faux. 4. Mathieu est très gentil, mais si on le critique à tort, il devient assez agressif et ne se laisse pas faire. 5. Julien a exprimé son admiration pour cette ministre, qui a fait un long et brillant discours à l'Assemblée nationale. 5. Mon chef sait très bien alterner les reproches et les compliments.